Supernovae 1A, fusion de deux naines blanches. Le débat a longtemps fait rage pour savoir quelle était l'origine exacte des supernovae de type 1A. Deux principaux modèles s'affrontent. Tous les deux ont en commun la présence d'un système binaire. Mais c'est dans la nature des deux composantes et les processus d'interaction entre les deux étoiles que les modèles divergent. Le premier propose l'explosion d'une étoile par effondrement suite à l'accrétion de matière provenant de sa compagne. La naine blanche absorbe de la matière de sa compagne, qui peut être une géante ou même une étoile normale. Et lorsque la naine blanche, qui gagne ainsi de la masse, dépasse la barre fatidique des 1,4 masses solaires, l'effondrement irréversible a lieu, l'étoile explose. Le second modèle, dit double dégénéré, propose un couple de naines blanches. Elles vont se rapprocher inéluctablement au fil du temps pour finir par se rencontrer et fusionner. Bien évidemment, la fusion réelle n'arrive jamais puisque la masse de Chandrasekhar est immédiatement dépassée et l'explosion a lieu assez vite. Des astronomes américains viennent d'annoncer lors du 223e meeting de l'American Astronomical Society qu'ils ont pu observer deux supernovae 1A avec des détails encore jamais atteints. Ils peuvent en conclure, sans se tromper, qu'elles sont issues d'une fusion de deux naines blanches, donc le deuxième modèle. Le plus étonnant dans cette découverte est peut-être la façon que ces astronomes ont utilisée pour détecter et étudier l'évolution temporelle de la luminosité de ces supernovae. C'est avec le télescope Kepler, qui est dédié à la chasse aux exoplanètes, lorsqu'il fonctionnait encore correctement, qu'ils ont observé ces explosions stellaires. Le télescope de la NASA scrutait environ 150 000 étoiles de notre galaxie avec la possibilité de prendre des clichés du même champ toutes les 30 minutes. Or, derrière les étoiles que Kepler pointait, se trouvait une multitude de galaxies lointaines. Les données de Kepler fournissent ainsi une image de très nombreuses galaxies toutes les demi-heures, avec une performance pour la détection de très faibles variations de luminosité, qui était adapté pour la découverte d'exoplanètes effectuant des transits devant les étoiles. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour donner un outil fantastique pour la découverte et le suivi dans le temps de nouvelles supernovae lointaines, situées dans d'autres galaxies. Rappelons qu'une supernova, lors de son explosion, peut devenir aussi brillante, voire plus, que la galaxie entière qui l'abrite. Robert Hoyling, qui a présenté ses résultats à Washington le 8 janvier dernier, a traqué environ 400 galaxies dans les champs de vue de Kepler sur une période de 2 ans pour trouver ces deux beaux spécimens de supernovae 1A. C'est grâce à la précision obtenue par le télescope Kepler que l'origine de ces supernovae a pu être déterminée avec une grande confiance. En effet, s'il s'agissait d'un couple formé d'une naine blanche et d'une étoile normale, le souffle de l'étoile explosant devrait impacter sa compagne en produisant un échauffement qui produirait un surcroît de luminosité très faible, mais qui serait visible dans les premiers jours suivant l'explosion. Hoyling et ses collaborateurs n'observent aucun sursaut de luminosité de ce type dans les deux supernovae. Ces observations éliminent définitivement la possibilité que l'étoile compagne soit une étoile normale de type géante. Depuis longtemps, le modèle de fusion de deux naines n'était pas très apprécié dans la communauté des spécialistes des supernovae. On pensait que l'étape finale de coalescence des deux étoiles devait durer très longtemps, ce qui militait plus pour la formation d'une étoile à neutrons, pour la plus massive des deux. Mais le vent commença à tourner vers 2010, où des astrophysiciens ont produit des simulations montrant que la coalescence finale de deux naines blanches pouvait se passer en l'espace de seulement quelques minutes, permettant le brusque changement de pression, véritable étincelle à la poudrière stellaire. Mais Craig Wheeler, un astrophysicien de l'Université du Texas, précise tout de même que le modèle de fusion de deux naines blanches comporte tout de même quelques problèmes. Les simulations montrent des explosions d'étoiles par fusion de deux naines blanches qui sont souvent asymétriques. Or, les supernovae 1A ont toutes une symétrie très sphérique. D'autre part, les mesures spectrales qui ont été faites sur ces supernovae montrent une abondance en fer trop faible par rapport aux simulations de fusion de naines blanches. Le satellite Kepler a connu une grosse défaillance mécanique en mai 2013 sur ses roues gyroscopiques, vous vous souvenez, suite à laquelle il ne peut plus être orienté avec précision. mais il pourrait toujours fonctionner pour collecter la lumière. Et comme la recherche de supernovae lointaines ne requiert pas un pointage très précis comme celui de la recherche d'exoplanètes, Hoying évoque l'idée de donner une seconde vie à ce merveilleux outil pour observer de nouvelles supernovae. La NASA doit annoncer ce qu'elle décide de faire avec Kepler à l'été 2014. Va falloir attendre un peu. Une histoire qu'on peut retrouver dans Nature cette semaine, par Ron Cohen. Kepler Clue to Supernova Puzzle.